Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros, les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103, où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. On va parler de baseball. Il y a un match intéressant qui est organisé par mon collègue Michel Tifot. C'est le match qui aura lieu samedi ou dimanche au Stade Richard-Demel opposant les Aigles de Trois-Rivières au Capitale de Québec. Et on va parler avec le président de l'équipe, Michel Laplante. Salut, Michel. Salut. Michel, d'abord, avant de parler des capitales, puis je veux t'emmener sur quelque chose que j'ai lancé ce matin, un petit débat, puis il y a quand même quelques réactions, puis c'est intéressant comme réaction. Tu nous avais fait quand même, tu as réalisé un coup de circuit en allant chercher un lanceur cubain. De la manière qu'on parle, on dit que c'est un des meilleurs lanceurs du baseball cubain. Question, est-ce que ce serait un gars qui serait capable de jouer dans les majeurs? C'est sûr qu'à 30 ans, ça va intéresser moins les équipes. Mais de la manière qu'il parlait, c'est un as numéro un, là. Ben écoutez, c'est toujours difficile à évaluer, dans le sens que est-ce qu'un joueur est capable de jouer dans le baseball majeur? Sûrement. Est-ce qu'il est capable de bien jouer de façon constante? Écoutez, c'est un débat qui a lieu dans le hockey, un débat qu'on retrouve dans le baseball de façon constante, là, que je veux dire qu'on retrouve à tous les jours. Les éléments pour mesurer ça, c'est toujours un peu difficile. Mais tu sais, on a Andrew Albert qui joue pour les Capitals ici, je pense, en 2012. Puis l'année suivante, ses débuts dans les majeures, il n'a pas donné de points à ses 18 premières manches. Donc, c'est sûr que c'est un lanceur cubain qui est sur l'équipe nationale. Donc, normalement, il y a un certain talent. Mais est-ce que Carl Gelina peut lancer dans le baseball majeur? Sûrement. Dans quel rôle? Ben, ça dépend toujours. Ben oui, effectivement. Mais est-ce que la Ligue Can-Am est un petit peu, peut-être un petit peu snobée? Parce que moi, je pense que Carl Gelina aurait pu mériter sa place sur l'équipe canadienne à la Coupe du monde du baseball. Lorsque tu vois Ryan Dempster, que ça fait 3 ans qu'il a lancé, je pense que Gelina aurait au moins eu sa chance. Là. Aurait pu avoir une chance, au moins. Oui, c'est une question de qui connaît qui au niveau là de ce qui se passe avec l'équipe nationale. Il y a des joueurs qui ont été dans différents programmes juniors ou sur l'équipe nationale ces années précédentes. Les entraîneurs, ben, par proximité, les connaissent bien, donc ils veulent revoir ces joueurs. C'était le cas de Dempster, c'était le cas de d'autres joueurs aussi là qui sont sur l'équipe nationale depuis plusieurs années puis qu'on revoit année après année. C'est une façon de faire, je pense, qui va changer. Par contre, je pense qu'ils ont eu ils ont pogné un peu le mur là au dernier championnat, puis il va falloir revenir avec un peu plus de sang nouveau dans les prochaines années, puis je pense que ça l'ont fait dire un petit peu. OK. Si on parle... Oh, ouais, c'est sûr, ça ressemble plus à un country club, là, bien plus que d'autres choses. C'est quand tu regardes ça. Ayons ça un Québécois, Carl Gelina. C'est-tu décevant un peu? C'est sûr que vous autres, vous essayez beaucoup, ou c'est ça va revenir éventuellement? Là. Parce qu'il y a quand même des joueurs qui... tu sais, t'as des joueurs que peut-être qu'ils n'atteindront pas les majeurs, puis que ça va être une belle possibilité, la Ligue Can-Am, pour continuer leur carrière. Donc, c'est peut-être juste passager, ça, là? Ben, en fait, c'était à prévoir, parce que quand on regarde la démographie du baseball, là, depuis début des années 90, donc si on regarde là, les 25 dernières années, le baseball a été en baisse à Baseball Québec là, entre 2000 et 2007, 2008. Après ça, ça s'est mis à remonter. Mais dans cette baisse-là, il y a moins de jeunes qui jouent. Au lieu d'avoir 45 000, 50 000 qui jouent au baseball dans ces années-là, on s'est retrouvé aussi bas que 15 500, 16 000 joueurs au Québec. Donc, dans les 3-4 dernières années, beaucoup moins de joueurs dans le baseball affilié professionnel. Donc, on le savait, on le voyait venir depuis la fameuse année là, 2009 où on avait Patrick Deschênes, Éric Gagné, Patrick Scalabrine, Carl Gelina, Michel Simard, Patrick Daou, tous ces gars-là. On savait que c'était justement dû parce que les grosses années 1993, 14-15, les institutions de baseball, ben c'est un petit peu ce qu'on récoltait. Et là, c'est tout à fait le contraire. Est-ce qu'on souhaite à temps égal avoir un Québécois? Évidemment. La différence entre le junior et la Ligue Can-Am et le step est très difficile à faire seulement en un an. Donc, l'idéal, c'est qu'un joueur ait passé quelques années aux États-Unis avant qu'il soit capable de venir jouer à ce calibre-là. Mais c'est sûr que si on trouve des jeunes de 22, 23 ans qui sont capables de jouer à ce niveau-là, bon, on va prendre un Québécois avant. Ben, c'est clair, c'est clair. Il y a eu une baisse, tu regardes ça, là, de joueurs de baseball pendant quelques années, puis là, les capitales le vivent, là, actuellement, là. Quoi que ça remonte, là, parce que Jacques Lanceau, qui est un de mes collaborateurs de baseball, me dit qu'il y a au moins 4 Québécois qui vont être repêchés cette année au repêchage du baseball majeur. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. 4, c'est le minimum, là. Donc, ben, écoutez, les inscriptions, l'an passé, on a dépassé 30 000 inscriptions au Québec. Ouais. Et cette année, je ne serais pas surpris qu'on se rapproche du 33 000, 34 000 inscriptions. Donc, on a doublé là où on était il y a 7-8 ans. Ben, effectivement. Puis ça, c'est tout un Mais l'impact de tout ça va se faire au niveau élite, là, probablement dans 4, 5, 6 ans. Effectivement. Si on parlait maintenant de... Écoute, j'aurais voulu te parler de ce qu'a annoncé hier l'équipe junior cubaine qui va venir jouer contre des équipes québécoises, mais ça, je le referai dans une autre entrevue, parce que c'est toi qui es l'instigateur, Michel. Je veux tout de suite t'emmener sur ce qui se passe à Ville-Saguenay dimanche. D'abord, pourquoi vous avez fait un match au concours entre Trois-Rivières et les Capitales à Ville-Saguenay? Le stade municipal est en grande réparation. Donc, depuis septembre dernier, on est à refaire la surface. Ce sera une surface synthétique. Les 13 premiers matchs de la saison sont sur la route. Et le camp d'entraînement, c'est impossible de pratiquer ici. Il n'y a pas de surface de jeu présentement. On est sur la terre au complet en train de préparer la surface pour accueillir le synthétique qui devrait arriver dans les prochains jours et être posé dans les deux prochaines semaines. C'est une opportunité qu'on a de faire une tournée à travers le Québec. C'est peut-être poussé un peu, mais je veux dire, on voit qu'on a beaucoup de partisans de la région du lac là, qui, à chaque année, les gens viennent ici, ils prennent le temps des fois de nous saluer, puis il y a plein de gens qui sont ici qu'on ne voit pas, mais juste dans les réunions que j'ai à Baseball Québec, où je vois les gens du Saguenay, puis oui, on est allé, puis on connaît beaucoup de monde qui sont allés cette année, puis je dis, bien évidemment, j'en ai vu aussi. Donc, on veut s'assurer de voir ces gens-là. La journée d'avant, samedi, on est dans la région de Sherbrooke. On a beaucoup de monde qui viennent de ce coin-là aussi. Donc, ça nous permet, en fait, d'aller voir les gens dans leur place, puis c'est bon pour le baseball, en général. Je pense que les gens vont apprécier le spectacle. Ça nous permet de nous impliquer un peu aussi. Et en plus de ça, ben, les profits vont justement à l'équipe de Jonquière. Donc, c'est une façon pour eux de ramasser des sous pour aider le baseball. Donc, c'est trois pierres d'un coup, dans le fond. Ben, effectivement. Puis c'est vraiment intéressant. Là, je m'en viens sur une question parce que je t'ai posé une question off the record ce matin. Puis je vais t'en poser en ondes. Je vais avoir les mêmes réponses, mais je vais t'en poser pareil. Puis je l'ai lancé sur les médias sociaux. Là, je veux avoir la vérité. Je veux pas que Michel Laplante soit fin avec moi. Là, puis il me dit oui, mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas un rêve où c'est possible. Une équipe de baseball Can-Am à Ville-Saguenay. Moi, je regarde le marché de Trois-Rivières. L'économie va pas bien à Trois-Rivières. Faut pas comparer cette équipe-là, je pense, au Capital ni au Champion d'Ottawa. Mais je peux comparer le marché à Trois-Rivières, par contre. Puis je me dis, si les Aigles, ça marche, pourquoi ça marcherait pas à Ville-Saguenay? La seule handicap, peut-être, c'est un petit peu plus loin de Ville-Saguenay. Mais est-ce que ça serait réalisable ou c'est un rêve? Ou c'est tout simplement ça? Ben en fait, je vais vous admettre, moi je viens de l'Abitibi, là, donc okay. Je suis pas originaire d'ici, puis encore moins du Saguenay. Donc ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller voir votre beau coin de pays seulement à 4-5 reprises. En termes d'économie, de grande quantité de partisans de baseball, je ne connais pas le marché de Ville-Saguenay. Par contre, j'ai vu des endroits aux États-Unis où c'était pas nécessairement une grande ville, puis le sport fonctionnait très, très bien. Donc, je pense que ce que ça prend avant tout, ben c'est un stade. Ce que je vois du stade, c'est qu'il est très bien. Est-ce qu'il est capable d'accueillir une équipe professionnelle à tous les jours présentement? Non, c'est évident. Est-ce qu'il y aura un intérêt pour la ville de le modifier? Est-ce qu'il y aura l'intérêt d'un mécène, d'un homme d'affaires de s'impliquer? Je pense que c'est vraiment de là que ça part. Si, euh, si un homme d'affaires qui a poche profonde ou une ville qui dit moi, ça serait une bonne visite pour ma ville, je veux amener une équipe de baseball professionnelle l'été, d'après moi, le commissaire Marzwolf écouterait assurément. Après ça, c'est la continuité. Est-ce qu'on est capable de maintenir un 1800, 2000, 2200 personnes à tous les matchs? Est-ce qu'il y a assez de force au niveau des commanditaires pour appuyer une équipe comme ça? À Québec, en visibilité, en corporatif, ça tourne autour de 500 ouais. 000 $ par année qu'on ramasse. Donc, c'est un peu plus facile. Donc, je pense que c'est vraiment les gens de Ville-Saguenay qui savent s'ils ont le potentiel de vraiment pour avoir une équipe. Moi, je connais pas assez le marché, j'ai pas fait d'études okay. là-dessus, sauf que s'il y avait un intérêt, connaissant Marzwolf, je suis convaincu qu'il y aura une écoute. OK, OK. Est-ce que ça peut être un OSBL? Je sais qu'il y a des lois, là, il existe des lois aux États-Unis, Canada. Moi, c'est une question que j'ai posée ce matin. Ça peut-tu être un OSBL? Pas vraiment, dans le sens que je vais vous donner un exemple. Là. Okay. J'arrive, on n'a pas joué encore un match de baseball au stade municipal ici. Le premier match va avoir lieu le 1er juin. Imaginez les dépenses qu'on a depuis okay. janvier, ouais. Qui est en staff administratif, la commande des équipements, la préparation du terrain, tout ça. Donc, tu te ramasses autour de 5, 6, 700 000 $ okay. sous la barre. Et une fois que le baseball commence à partir de la première semaine de juin ou la deuxième semaine de juin, là, les sous commencent à rentrer puis tu viens de rembourser. Est-ce qu'un OBNL est capable de supporter ça? Un OBNL appuyé d'un mécène, un OBNL avec une entente avec une ville qui a un fonds pour se ouais. supporter, comme on dit, là, peut-être qu'il y a une chance. Sinon, c'est assez difficile à supporter. Une fois que le premier tour de roue est fait, ben, normalement, ça va assez bien. Mais c'est pas évident. Il faut être créatif. Non, non. C'est sûr qu'il faut me participer. Mais je me dis, Trois-Rivières l'a fait, pourquoi pas Dolbeau, mais Saint-Philippe, pourquoi pas le Ville-Saguenay? C'est une question intéressante. Ben, c'est d'avoir des gens d'affaires qui, comme au départ, Marc-André Bergeron, Michel Côté, ouais. Éric Garnier est impliqué un peu. Maintenant, Jean Tremblay a repris ça à Trois-Rivières. Mais ça prend des gens d'affaires qui y croient. Puis qu'il soit, qu'il ait les poches assez profondes pour accepter un déficit s'il y en a un, puis qu'il ait un peu de guts pour se lancer là-dedans. Si c'est le cas, s'il y a un homme d'affaires qui a cet intérêt-là, ben c'est sûr qu'il y a une possibilité. Ben Michel, très très intéressant. C'est peut-être un beau petit débat qu'on pourrait lancer. C'est une idée comme ça qu'on lance en l'air. Au plaisir de se reparler durant la saison. Je serai là dimanche okay. pour le match. J'accompagne l'équipe, donc on aura la chance de discuter de tout ça. Effectivement. Ah, OK, donc, merci. Dimanche, Michel Laplante, des Capitales de Québec.